Exercice 6, page 112. A. Il cuisine sans huile. B. Il conduit la nuit. C. Il produit la suite. D. Il s'enfuit sans bruit. E. Il en déduit 8.